Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Bonsoir. Vous êtes bien sur Trangena, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Ce soir, Nicole, Axel et Gwendoline ne sont pas là, mais Serge et moi, Hans, nous le sommes bien. Et nous avons deux invités du festival anticarcéral à Haren de ce week-end. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous appeler comment ? Moi, c'est Thomas. Et moi, c'est Lucie. Ben voilà, Thomas et Lucie, soyez le bienvenu. Ben voilà. L'histoire de la maxi-prison à Haren, ça date depuis un moment. Ce sont des choses qui se planifient depuis longtemps. Ce sont des budgets énormes. Et il y a aussi énormément de contestations depuis longtemps. Remettez-nous un peu au jus, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui s'est passé avant, tu vois, d'où est-ce qu'on vient? Ouais, alors peut-être préciser que ça commence en 2008 avec le Master Plan 1. Donc c'est un Master Plan qui a été commandité par plusieurs ministères pour renouveler toutes les prisons, aussi bien rénovation que construction de nouvelles prisons. Et là on parle dès 2008 d'une petite prison de 300 places à Arun. Donc peut-être resituer Arun, tout dans le nord de Bruxelles, calé entre le temps et Zaventem globalement, avec aussi toute une population des habitants qui habitent là-bas. Et ce territoire, ça aura aussi son importance, appartient à la ville de Bruxelles. Ouais, ça appartient à Mille Bruxelles, cette commune. Et donc, dès 2008, projet de petite prison, mais qui passe dès 2010 à une prison énorme, la plus grande de la Belgique, de 1190 places. Et directement, alors, là, la lutte commence déjà à s'organiser, ben, aussi bien parmi des militants anticarcéraux que des riverains qui ne veulent pas de ce projet. Il faut savoir que ce master plan, il a été renommé. Donc, il y a eu plusieurs moutures de ce master plan, et il a été renommé à un moment master plan pour une politique pénitentiaire plus humaine, ce qui déjà pose problème parce que toutes les instances de protection des droits humains dénoncent le fait que plus une prison est grande, et moins il est possible d'y respecter les droits humains. Après, on reviendra sur le fait même, le concept même de détention, mais déjà là, il y a une incohérence dans la politique qui est menée. On passe d'un projet de prison à 300, 350 places, à 1190 places, comme Thomas vient de le dire. Et déjà là, à ce moment-là, rien que dans les termes utilisés, ça posait question. Alors, la lutte, elle s'enclenche. Il y a des plantations de patates, il y a des recours qui sont très vite introduits. Et en décembre 2014, il y a une première ZAD qui s'installe sur le Quelbec, donc le site qui a été retenu par la Régie des bâtiments pour construire cette énorme prison. Et cette ZAD, elle va déjà être évacuée violemment par la police en septembre 2015. De là vont se succéder plusieurs recours, plusieurs actions aussi. Il y aura toujours une lutte, en fait, elle ne va jamais s'arrêter. Et en avril 2018, va renaître une deuxième ZAD suite à l'abattage des arbres sur le chantier. Parce que là, pendant, on va dire entre 2008 et 2018, finalement, le Quelbec, il a été juste grillagé. Mais suite à cause des recours juridiques, le consortium qui était en charge de la méga prison ne pouvait pas avancer. La première étape, ben, ils coupent les arbres et là, des militants commencent vraiment à revenir sur le terrain en 2018, mais ils sont très vite chassés en août 2018. On brûle les cabanes et on les fait dégager. Et heureusement, le foyer de lutte ne s'est pas éteint. Il a même sans doute été amplifié face à cette réaction. Et grâce à un soutien qui avait un terrain juste à côté de ce site, du chantier, ben, on a maintenant une ZAD. Avec une cabane, des caravanes et des militants avec un nombre variable mais pas négligeable qui viennent et qui continuent. Bah, ça permet d'observer la lutte, ce qui se passe, et ça permet aussi de bien sûr organiser des actions et ensuite aussi le festival. Il y en a eu un, le premier en novembre 2018, et le deuxième festival va s'organiser ce week-end qui vient, donc du 22 au 23 au 24 mars. C'est vraiment pas négligeable, même si on n'est plus installé sur le terrain, d'avoir cet espace à côté qui permet vraiment d'avoir encore aujourd'hui un foyer de lutte, d'avoir un point de chute pour les gens qui veulent s'impliquer dans la lutte. Certes, c'est plus une ZAD au sens premier du terme, parce que la présence NA ne bloque pas les machines, malheureusement. Aujourd'hui, c'est rendu impossible par les mesures très répressives qui ont été prises par rapport au terrain. Donc aujourd'hui, toute personne qui monte sur ce terrain de chantier est passible immédiatement d'une amende de 3000 euros. C'est sûr que ça refroidit un petit peu les militants et militantes de tenter des actions sur le terrain même. Et ça a été obtenu par donc le consortium d'entreprises qui s'appelle CAFASO, qui est chargé de la construction et de la maintenance de cette prison. À nouveau, ça c'est une mesure qui pose question, c'est une mesure qui est très répressive et qui empêche aussi de manifester un désaccord par rapport à cette construction. Et donc ce consortium, c'est un consortium privé. Mmh, tout à fait. Un consortium, une alliance de plusieurs multinationales qui viennent de divers endroits, une Australienne, une Néerlandaise. Tu peux me compléter? Oui, alors il y a des niveaux construction, vraiment constructeurs, il y a The Nace, une entreprise belge. Il y a FFT Construction, qui est une entreprise espagnole. Il y a clairement une entreprise néerlandaise et... Alors là, on va utiliser le conditionnel, mais on suppute qu'elle soit là uniquement pour l'évasion fiscale, ou du moins pour éluder l'impôt. Parce que c'est qu'une société boîte aux lettres. On n'a pas trouvé d'autres traces de son existence qu'une adresse, donc il y a quand même des doutes. Et comme disait Lucie, il y a McCarrie, qui est un fonds d'investissement australien. Donc ça pose aussi des questions. Pourquoi est-ce que des entreprises privées multinationales ça s'intéresse à la construction d'une prison perdue au fin fond de Bruxelles. Sinon, on connaît la réponse. C'est simplement parce que c'est des investissements rentables maintenant pour eux. En fait, c'est uniquement ça. C'est arriver à se faire du fric sur des détenus. Et le consortium, il va juste construire ou il va exploiter la prison? Donc il va l'exploiter aussi, ce partenariat entre l'État, donc parce qu'il faut rappeler que normalement c'est l'État qui est en charge des prisons, que ce soit la construction ou ce qui s'y passe, donc la maintenance, la gestion. L'État ici, en l'occurrence, a passé un contrat qu'on va appeler PPP, pour partenariat public-privé. Donc c'est un contrat dans lequel l'État va déléguer certaines compétences à des entreprises privées, et en l'occurrence l'État délègue la construction, mais également la gestion de cette prison pendant 25 ans à CAFASO. Et donc la gestion, ça ne veut pas dire tout ce qui touche au maintien de l'ordre, donc ça reste la compétence de l'État, mais par contre c'est CAFASO qui va être en charge de gérer le nettoyage, la maintenance des bâtiments, la fourniture de nourriture, etc. Donc du coup, ça veut dire que c'est une activité rentable pour ces entreprises. Donc on passe d'une logique... disons, de service public, si on tout peut appeler ça un service public. Tout à fait, oui. Vers une activité rentable. Tout à fait. Et c'est une des choses que nous, on dénonce, évidemment, c'est que... mais ça pose question de voir qu'un service, on va appeler ça effectivement un service public, la prison, c'est censé être géré par l'État, qui est censé défendre un certain intérêt public. Et ici, on délègue cette gestion à des entreprises dont le seul intérêt est lucratif et privé. Et donc, il y a un moment donné où, d'emblée, on voit qu'il y a une opposition. À quel moment est-ce que cette entreprise va avoir en tête, dans ses actions, la défense d'un intérêt public ? Mais jamais. Et c'est ça un des problèmes centrales, un des problèmes centraux de cette utilisation de partenariat public-privé. On a même, quoi, c'est scandaleux, quoi. C'est l'un des, du moins à mon point de vue personnel, c'est une découverte. Cette lutte, elle m'a permis de mieux creuser, quoi, de creuser ce qu'il y avait derrière le mot prison et de véritablement comprendre la réalité des détenus et entre autres celle, par exemple, du travail pénitentiaire. Qui est sous-payé, c'est de l'exploitation, c'est des travailleurs qui sont à la mainmise à la fois de la direction et des entreprises. Il y a une régie maintenant du SPF Justice qui est dédiée à ça et vraiment ils ont pris le parti des entreprises privées, c'est-à-dire que c'est offrir aux entreprises privées la possibilité d'avoir une main-d'œuvre exploitable, corvéable, jamais malade, puisqu'il y aura toujours un prisonnier pour remplacer quelqu'un qui est malade, ou un prisonnier qui est un détenu qui est envoyé en cellule d'isolement parce que pour X ou Y raison, et pour un salaire qui défie toute concurrence. Quoi. Ça ne vaut même plus la peine d'aller dans les pays de l'Est. On a une main-d'œuvre ici en Belgique qui est à 1 euro, à 2 euros de l'heure. Quoi. Et avec ce salaire, en fait, les prisonniers doivent se fournir de certains produits qui ne sont pas fournis par défaut, ou quelque chose, des trucs à manger ou des trucs d'hygiène. Pas ou... tout à fait. C'est plutôt, ils produisent plutôt pour l'extérieur. Donc on va utiliser la main d'œuvre en prison pour fabriquer des petites pièces ou pour assembler des choses. Donc c'est pas tant pour une utilisation au sein de la prison. Après il y a bien sûr le travail qui va être fourni par certains détenus, donc des détenus qui vont servir à la cantine, des choses comme ça. Mais justement ça, ce travail là qui créer du lien potentiellement avec un partenariat public-privé, il n'existe plus parce que les entreprises privées vont s'occuper elles-mêmes de fournir le service de nourriture. Et donc ce travail-là qui était potentiellement plus valorisant quand même que de passer sa journée à assembler des petites pièces pour 1 euro de l'heure, ce travail-là, il va peut-être disparaître. Et c'est l'autre type de travail qui est un travail, comme le disait Thomas, qui est intéressant pour les entreprises parce qu'ils ont de la main-d'œuvre à un tarif défiant toute concurrence. C'est celui-là qui va être de plus en plus valorisé dans les prisons. Oui, mais je voulais... Tu as tout à fait raison. Ouais. Mais je voulais évoquer un autre truc, c'est qu'en fait, il y a un magasin. Mmh. Ouais, ils doivent cantiner. Hein. Donc, on a eu des témoignages, par exemple, à la prison de Saint-Gilles, où la nourriture est scandaleuse. Et c'est l'un des premiers griefs qui revient quand on parle à des proches de détenus ou des anciens détenus de ces prisons Forêt Saint-Gilles. Ils doivent cantiner. Et alors, par exemple, parce qu'ils bouffent des patates, une espèce de compote tous les jours et une viande blanche, à la fin, on peut comprendre qu'on en a juste marre, mais le prix, par exemple, d'une pomme, c'est délirant. C'est même dans le plus grand, dans le plus luxueux des magasins bio à Uccle, on n'arrive pas à ce tarif-là. On nous a dit des prix pour une pomme, moi, j'hallucinais. C'est aussi, ils doivent payer la télévision, ils doivent payer, tout doit être payé en prison, malheureusement. Et c'est vraiment une double peine, ce point-là. Et du coup, tous ces services, soi-disant, comme un magasin où tu peux même acheter une pomme ou un paquet de chips, jusqu'à la télévision que tu vas regarder, tout ça est géré par une entreprise privée qui va donc de multiples façons en fait exploiter et profiter de l'exploitation. On est sûr que CAFASO a bien calculé son coût, a bien négocié les contrats avec la régie des bâtiments. C'est des investissements super rentables et en plus ça l'est d'autant plus que c'est l'État qui se porte garant. C'est-à-dire que c'est plus des les risques sont donc c'est super rentable. Et en plus, le risque est quasiment nul pour le privé. C'est, si ça se casse la gueule, et ben, ce sera quand même l'État qui devra payer. On pourra rentrer un moment dans le détail, mais ouais, ce consortium est bien, bien pourri et on essaie plusieurs fois de le dénoncer. Pour pour donner un exemple concret qui, moi, m'a quand même pas mal marqué dans toutes nos recherches par rapport à ça, on parlait, pour montrer à quel point ces multinationales posent questions et posent problèmes, on a donc Macquarie dedans, qui est ce fonds d'investissement australien dont Thomas a parlé. Macquarie, qu'on appelle le vampire kangourou, parce que donc, leur symbole, c'est un kangourou. Vampire, pourquoi ? Parce qu'ils se sont spécialisés, c'est vraiment les pionniers en matière de vampirisation des services publics. Donc, ils sont pionniers en matière de PPP, justement, ces partenariats. Et un très bon exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, c'est Macquarie qui a été en charge de la gestion de l'eau potable, de l'eau courante en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, pardon, donc pas loin de chez nous. Ils ont dû gérer ça et ça s'est très mal passé. Ils ont été poursuivis par des citoyens et par des organismes pour mauvaise gestion parce qu'il y avait des sources qui avaient été polluées parce qu'ils ne s'en occupaient pas bien, alors qu'on parle quand même d'un service public de base, c'est-à-dire avoir accès à de l'eau potable. Ça a été tellement loin que finalement ils ont été condamnés par les tribunaux anglais et que dans le jugement, on les condamne pour gestion diabolique. Je trouve que le terme est quand même vachement bien choisi. Et ils ont été condamnés à verser des amendes, etc. Que fait l'État belge face à ce constat ? Il choisit un consortium dans lequel Macquarie est présent pour venir gérer les prisons. À un moment donné, il y a quand même une incohérence fondamentale. Ils viennent d'être condamnés par un pays voisin pour une gestion diabolique d'un service public et on les accepte chez nous. Et ça, c'est vraiment, je ne peux pas comprendre. Je ne vois pas le début d'un argumentaire valable par rapport à ça. Je propose qu'on prenne un peu haleine et qu'on passe une petite musique. Tout à fait. Jamais un maton s'est permis de mettre une gifle. Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture d'une... Ouverture, ouverture. Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants. Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence, en permanence, en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres. Bon, messieurs, distribution des couteaux. Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser, d'humilier, d'effumaniser. La télé. Un maton dans les cours de promenade. Un maton. Des miradors. Un maton. Des psychologues. Un maton. Le droit de tout homme enfermé, c'est de s'évader. Voilà, nous sommes de retour. On va un peu de gauche à droite et on parle parfois un peu de tout en même temps, mais ce n'est pas très grave parce que c'est très intéressant. En tout cas, donc, si vous êtes invité ici ce soir, c'est parce qu'il y a un festival anticarcéral ce week-end à Haren, à Québec. Et une des activités, c'est samedi, c'est une marche. Et ce qui était intéressant là-dedans pour moi, c'est que, en fait, les revendications qui sont portées dans l'appel pour la marche, c'est assez divers et c'est un peu une réflexion de différentes composantes de l'opposition contre la prison. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer les revendications de la marche et peut-être, en lien avec ça, expliquer les différentes composantes ? Oui, bien sûr. Alors, cette prison, cette maxi-prison, on pourrait dire aussi que c'est un grand projet inutile et imposé. Et en fait, comme on a un peu essayé de retracer au début, il y a eu vraiment plusieurs composantes dans la lutte. Il y a eu les riverains qui ne voulaient pas d'une prison à côté de leur habitation. Il y avait aussi toute une mouvance écologique. Et ensuite, il y a eu aussi des militants anticarcéraux qui se sont réunis, qui ont fondé une lutte commune contre ce projet insensé. Et cette marche, on a voulu un peu essayer de rassembler toutes ces forces qui ont participé et qui participent toujours à la lutte. Donc il y a clairement, on veut dénoncer à travers cette marche, cette manifestation, le déni carcéral, c'est-à-dire que plus on construit de places de détenus, plus on enferme, ça on en a déjà parlé. Il y a le côté aussi, ce serait une prison high-tech, donc c'est-à-dire avec le moins de côté, avec une absence ou une prison qui évite tous les rapports humains entre les contacts sociaux. Et en fait, la situation de la prison à Rennes, c'est loin de tout. Ce sera très difficile pour les proches des détenus, les familles des détenus, pour les magistrats, pour les avocats, pour les assos. Qui font un boulot formidable avec les détenus. Donc tout ça, alors qu'on a des prisons au centre-ville, à Saint-Gilles-la-Forêt, si on les remplace par une prison au fin fond de Bruxelles, ça va compliquer. Là, je vais juste jouer un peu l'avocat du diable. Vas-y. Dans le sens que les prisons de Saint-Gilles et de Forêt, c'est une honte. C'est dans un état... Alors, terrible. C'est pour ça que dans la lutte, on ne veut pas opposer construction et rénovation. Pour nous, les deux sont scandaleux. Notre mot d'ordre, qui nous fédère un petit peu dans la lutte, c'est pas de prison, ni à Rennes, ni ailleurs. On pense que l'enfermement, c'est jamais la bonne solution. Et ça, c'est une super question. Je voudrais juste terminer sur la marche et après je pense qu'on on va y revenir. Ok, vas-y. Parce que donc il y avait le déni carcéral et qui pose en effet la question de l'enfermement. Et puis alors il y a l'incohérence écologique que porte ce projet. C'est écologiquement dévastateur. C'est la bétonisation de 19 hectares de terres arables qui auraient pu être le porteur de le foyer d'un projet d'une ferme écologique ou de projets de maraîchage. On parle d'agriculture urbaine. Le Québec aurait pu être un exemple. C'est l'un des derniers poumons verts du nord-est de Bruxelles. Donc là, de nouveau, si on bétonne tout, ce sera sans moins. Sachant qu'à Rennes souffre déjà de la présence de grosses infrastructures horribles comme le temps, qu'ils sont aussi parcourus par les avions tout le temps. Donc... et c'est déjà une zone qui est assez défavorisée en termes environnementaux. Donc la construction d'une prison là-bas renforce encore ce côté de béton et pas très agréable à vivre, je dirais. Il y a le tarissement d'une source, il y a la disparition d'une biodiversité qui était assez exceptionnelle sur le site. Et alors le troisième point qui réunit un peu la lutte, c'est le déni démocratique. Alors là, on en a déjà un peu parlé, c'est ces partenariats public-privé, l'opacité de ces contrats auxquels on n'a pas accès, auxquels même des parlementaires n'ont pas accès ou très difficilement accès. C'est les travaux qui ont accéléré. Donc, comme on a dit, les travaux ont commencé en janvier et c'était suite à la décision de l'AVIT, la première auditrice du Conseil d'État, qui donnait raison aux opposants au projet. Donc, on reviendra sûrement là-dessus, j'imagine. Et enfin, c'est ce consortium CAFASO dont on a longuement parlé, qui est, on va dire, pourri de A à Z. Donc tout ça, en fait, ça a permis, on s'est dit que ces trois thèmes vont réunir un maximum de personnes, et on a organisé, on a fait toutes les démarches pour organiser une manifestation. Ça a lieu ce samedi à 11h, et on part de la gare de Schaerbeek, et on va jusqu'à Rennes. Et en fait, on a voulu absolument terminer à Rennes. On a voulu proposer un parcours inédit dans les manifs à Bruxelles. C'est pas la gare du Nord pour une fois. On terminera pas à la gare du Midi. Au Parlement européen. Et on veut vraiment amener les gens là-bas. Et ça permet vraiment, je pense, de rendre visible l'absurdité de faire une prison là-bas. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après la marche ? Ouais, donc cette marche, elle est organisée, comme Thomas l'a dit, dans le cadre d'un festival anticarcéral qui commence le vendredi. Ce festival, il y aura plein de choses. Il y a des concerts tous les soirs, déjà le vendredi soir. Tout ça se passe à la ZAD de Haren. Je vous donnerai les informations. Il y a un site internet pour avoir les infos vraiment précises de lieu et comment nous retrouver. Et la programmation sera disponible aussi en ligne pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés de nous rejoindre. Mais donc, il y aura des concerts. On a un groupe de rap, La Vriade, qui vient le vendredi soir, suivi de DJ jusqu'au bout de la nuit, parce que la lutte, c'est aussi ça, c'est aussi des festivités, c'est aussi se réapproprier un espace. Et welcome pour rester dormir sur place, amener votre tente. On prévoit de la nourriture tous les midis, tous les soirs, pendant le week-end, à prix libre, avec de la récupération. Et puis, donc, ce soir-là, le vendredi, il y a aussi une conférence gesticulée qui s'appelle Tolérance. C'est une conférence qui a été pas mal médiatisée, qui touche bien évidemment à la thématique de la prison, de la détention. Conférence gesticulée de Juliette Béguin et Cédric Tollet, qui sera aussi donnée à Aaron. Et c'est gratuit, on vous invite tous et toutes à nous rejoindre pour ça. Et donc, ce sera suivi des concerts, comme je le disais. Et puis, alors, le lendemain matin, donc, on se retrouve à 11h à la gare de Schaerbeek pour la marche. Et suite à la marche, quand tout le monde sera à Aaron, là, on vous propose des ateliers divers pour creuser un peu plus la thématique de l'anticarcéral. Et ça passe par diverses tables rondes. Donc on aura des invités, notamment deux personnes qui ont vécu un enfermement en IPPJ, qui vont venir témoigner et partager avec les gens sur cette expérience. On aura Saïd Bouamama, qui est un militant antiraciste et décolonial avec un focus sur la prison. Donc parce qu'on a envie d'avoir une approche intersectionnelle et qu'on pense fondamentalement que la prison est liée au racisme, est liée au sexisme, que la prison perpétue des formes de domination qui sont liées à notre système capitaliste et patriarcal et colonial, etc. Donc on a envie de parler de ça aussi. Il y aura plusieurs ateliers qui sont animés par les Génépi. Donc le Génépi, c'est une association qui vise à donner de la voix au milieu carcéral dans l'espace public, donc qui essaye en fait de décomplexifier cette thématique carcérale et de la rendre accessible au grand public. Et donc eux font notamment un atelier sur l'antiracisme et la prison, un atelier sur l'antisexisme et la prison, et un atelier sur l'abolitionnisme qui, je pense, a beaucoup de potentiel pour être très intéressant. Ça permet aux personnes qui se demandent un petit peu et alors si vous voulez abolir les prisons, qu'est-ce qu'on va faire des criminels et des violeurs, etc. On invite ces personnes-là à nous rejoindre pour en parler et pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut envisager une société sans prison. J'ajouterai que, donc ça c'est pour le samedi après-midi, il y aura toute l'après-midi des activités pour les enfants, parce qu'on veut vraiment que ce soit accessible aux familles aussi. Le lieu de la ZAD est un lieu qui est très convivial, j'espère qu'il y aura du soleil, donc n'hésitez pas. Il y aura un spectacle pour enfants aussi dans l'après-midi. Et puis le dimanche, Donc, comme je le disais, pardon, c'est un peu décousu, mais comme je le disais, le samedi soir, il y aura de nouveau des concerts. Et ça, ce sera vraiment toute la soirée. Donc, on aura de la cumbia, il y aura Mud qui viendra jouer, Danny Cosmic, et puis Datra, de nouveau un DJ qui va nous animer pendant toute la nuit. Et le lendemain, le dimanche, ce sera un peu plus tranquille. Il y aura notamment une écoute collective de capsules audio, de témoignages de détenus et de proches de détenus sur lesquels on pourra discuter, débattre après. Et il y aura également des balades engagées du Québec. Donc pour les personnes plus intéressées par l'histoire de la lutte en elle-même, on organise ça aussi. Donc c'est l'occasion de venir un peu voir avec nous qu'en est-il du terrain, comment est-ce qu'on en est arrivé là et ce qui se passe aujourd'hui. Et pendant tout le week-end, toujours sur le même terrain, il y a des expositions, des ateliers de sérigraphie, si vous voulez avoir des messages anticarcéraux sur vos t-shirts. Et puis nous, donc les militants et militantes, on sera présents, on est à disposition pour discuter de tout ça, si vous avez des questions. Et si vous avez envie de vous engager avec nous, parce que c'est ça aussi le but du festival, c'est de visibiliser la lutte et que les personnes qui ont envie d'aller plus loin puissent avoir une porte d'entrée. Donc n'hésitez pas à venir nous trouver, il y aura un stand d'infos parce que la mobilisation elle continue, on a des choses qui sont prévues dans les jours à venir, donc welcome à tous et à toutes. J'ai une petite question accessoire, j'ai vu le groupe Mud, ouais. C'est le vrai groupe Mud qui va venir? Je sais pas ce que t'entends par le vrai groupe Mud. Tiger Feet, ça ne vous dit rien? Non, malheureusement, c'est pas moi qui m'occupe de la programmation, mais c'est un groupe de 4 personnes? Non, mais c'est un vieux groupe des années 70. Okay. En fait. J'ai pas compris la blague. Mais c'est pas une blague, c'est vrai. Mais bon, oui. C'est pas, enfin, en tout cas, ben, on passe une petite musique, hein, on laisse. Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Los, Amiens ou de Nîmes, cette voix qui crie insurrection? Ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis, à qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Paysans, ouvriers ou précaires, immigrés, militants, clandestins, les brimades, les fouilles à corps, l'arbitraire, il y en aura pour tous et pour chacun. Car te prendre ta liberté leur suffit pas, la prison c'est une zone de non-droit. Si tu l'ouvres un jour où t'en as marre, c'est l'isolement, le cachot, le mitard. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Dans toutes les prisons, on tabasse trois matons qui s'emmerdent, tu y passes. On a froid, on bouffe mal, on devient cinglé, entassé dans quelques mètres carrés. Tuer le temps dans ce ghetto jour après jour, compter les heures chaque nuit sans amour. Dans les couloirs de la mort lente, plus de repères, faut s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous.

pas de position commune. On a vraiment, au sein de la lutte, une direction commune, c'est-à-dire qu'il faut arrêter l'enfermement, ça c'est certain, mais à partir de là, on a différentes façons de penser, en fait, ce stop à l'enfermement. D'abord, peut-être pourquoi on veut plus l'enfermement. C'est l'enfermement, la prison, elle ne fait que briser, détruire, isoler, et elle ne permet pas du tout de reconstruire les individus qu'on y met dedans. Il y a la question aussi de pourquoi, qui est en prison exactement. Si on regarde, c'est énormément de personnes qui ont commis des délits par rapport à la drogue et par rapport à des petits vols, donc par rapport à la propriété privée. Est-ce que l'enfermement va vraiment est la juste réparation par rapport à ça? Est-ce que ça va vraiment être utile à ces personnes de passer X mois, X années en prison? On peut en douter quand on voit le taux de récidive, l'absence de projet de réinsertion, l'étiquette qu'on colle aux détenus. Donc déjà rien que là, on peut se demander si la prison permet de remplir sa mission. Notre réponse, on a les chiffres, c'est non. Surtout si l'argument, c'est de dire que la prison sécurise la société. Si on pense, et déjà là c'est discutable, mais si on pense que le but de la prison c'est de protéger la société de personnes déviantes, comme on va les appeler, et bien déjà là, même si on pense ça, déjà là c'est pas le cas. Thomas parle du taux de récidive. On sait qu'aujourd'hui plus de 50% des gens qui passent par la case prison récidivent par la suite, donc commettent à nouveau des délits et des crimes. Donc ça prouve déjà bien que c'est pas la prison. La prison, à la limite, va sécuriser, je le mets entre guillemets, pendant un certain temps, mais ne permet pas d'empêcher que certaines personnes, quand elles sortent, ne reproduisent pas des infractions, des délits. Donc déjà là, il y a un problème d'efficacité. Et à nouveau, je le mets entre guillemets, parce que, bien sûr, c'est pas ma position à moi. Pour moi, la prison, le but de la prison ne devrait pas être de sécuriser la société, de la protéger contre des personnes déviantes. Elle devrait être de permettre que des personnes qui commettent des crimes et des délits à un moment donné, qu'on puisse s'interroger sur le pourquoi, en fait. Et pourquoi est-ce que ces personnes-là ont à un moment donné été poussées à commettre ces actes-là, et de voir si le problème n'est pas systémique, si le problème n'est pas parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans la pauvreté, parce qu'effectivement, la majorité des crimes et des délits pour lesquels les gens sont en prison, ça touche à la propriété privée. Plus de 50% des personnes incarcérées ont commis une infraction de vol ou d'extorsion d'argent, des choses comme ça. Donc, ça touche à la propriété privée. Pour moi, la question là derrière, elle est double. C'est de 1, s'il y a eu ce besoin-là, pourquoi la personne est dans la précarité? Est-ce que la responsabilité, elle n'est pas du côté de l'État, qui est censé assurer une juste redistribution des richesses, qui est censé préserver sa population de la pauvreté et lui assurer un certain niveau de vie? Donc il y a déjà ça qui se pose. Et cette question-là, elle est complètement évacuée dans le système actuel. Et puis l'autre question, c'est aussi, pourquoi tous ces crimes et les délits sont liés à la propriété privée? Est-ce que c'est pas avec le système, de manière générale, qui valorise la propriété privée qu'il faut remettre en question? Parce que si on parle d'une sortie d'un système capitaliste, alors là, tout de suite, ces délits-là n'ont plus de sens. Donc il y a aussi cette question-là qui se pose pour moi. Alors, l'abolition, nous, on peut aussi, et c'est un débat qu'on a, pas en interne, mais au sein de la lutte, c'est l'abolition de la prison, c'est l'abolition du système pénal, c'est l'abolition pénale, ou alors l'abolition du système carcéral en tant que tel. Et on essaie, c'est ça qui est vraiment chouette dans cette lutte, c'est un lieu de discussion tout à fait ouvert, il n'y a pas de position dogmatique, il y a un engagement clair, c'est niet à l'enfermement. Et ça se traduit par l'opposition à des projets de construction de prisons. Et on est plusieurs aussi à penser que les rénovations des prisons de Saint-Gilles et de Forêt, même si elles devraient être faites depuis très longtemps, on n'est pas non plus favorable à ça, parce que ça va de nouveau recréer de la place pour enfermer plus de monde. On aimerait vraiment repenser c'est la notion de justice, la notion de tort et le pourquoi de l'enfermement. Non plus traiter les symptômes, mais vraiment traiter les causes, en fait. C'est l'un des, on va dire, c'est les hypothèses de départ partagées. Et effectivement, on condamne, bien entendu, les conditions de détention déplorables qui sont le quotidien aujourd'hui de centaines de détenus en Belgique. Effectivement, la prison de Forêt de Saint-Gilles, on le sait, les conditions là-bas sont lamentables. Ça a conduit la Belgique à être condamnée sur la scène internationale. Mais nous, on a envie de donner une voix plus radicale à la lutte anticarcérale. Et donc, on n'a pas envie de se focaliser là-dessus. Parce que ça, c'est dénoncé par les organes traditionnels de défense des droits humains, que c'est pas normal, que la Belgique doit faire des choses, etc. Et on est tout à fait d'accord. On trouve ça intolérable de savoir qu'il y a aujourd'hui en Belgique des gens qui sont forcés de vivre dans des cellules délabrées, dans des conditions vraiment inhumaines. Mais le rôle que nous, on s'est donné, c'est de ne pas se limiter à ça, parce que dire « les conditions de détention sont inhumaines, il faut faire quelque chose », c'est sous-entendre « on va garder les prisons, mais on va en faire des endroits plus agréables à vivre ». Et nous, on est contre ça. Et donc, on respecte tout à fait les luttes qui visent à améliorer ces conditions de détention, mais pour nous, ça, c'est vraiment c'est du court terme, quoi. Et le problème, c'est que si l'État se lance dans des rénovations, si l'État se lance dans des nouvelles constructions, ça ne va pas être du court terme. Parce que l'État belge, avec la construction de la prison, il s'endette pour 25 ans, on peut imaginer qu'il va vouloir rentabiliser son investissement. Donc ce n'est pas du tout une décision qui s'ancre dans une dynamique de remise en question du système pénitentiaire et du système carcéral. Et c'est ça qui nous pose problème. On peut rappeler aussi le fait que les prisons, ben, c'est un détenu, c'est 49 000 euros par an. Et qu'avec cet argent-là, on pourrait se dire ben, on pourrait mieux l'investir dans des bâtiments, dans de l'emploi, des politiques vraiment proactives qui permettront d'éviter les causes d'un crime, en fait. Pour le dire de manière un peu simpliste, on estime donc qu'un détenu coûte 150 euros par jour à l'État. 150 euros, c'est suffisant pour payer un assistant social privé à chaque personne qui est en prison. Alors, bien sûr, il y a des questions qui se posent autour, mais pour le montrer de manière schématique, en fait, les alternatives de sortie de la prison coûteraient moins cher que ce que ça coûte aujourd'hui à l'État de garder des personnes enfermées. Tiens, simplement pour dire aussi, il ne faut pas oublier qu'en Belgique, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de procès dans les prisons qu'on libère. Tout à fait. Qu'on libère bien souvent. Et en fait, avec cette prison, comme on va augmenter le truc, on va mettre encore plus de gens en attente de procès, parce que c'est comme le PPP, il faudra rentabiliser ce système. C'est clair que Cafasso va vouloir remplir sa prison. Ouais. Ils ont tout intérêt, donc ce projet de maxi-prison à Rennes ne va certainement pas régler le problème de la surpopulation carcérale. Et ça, toutes les études qui touchent à la question sont unanimes. Plus on construit de places en prison et plus on les remplit. On voit, si on fait des études sur plusieurs années, on voit qu'à chaque fois qu'on a construit une nouvelle prison, quelques années plus tard, on a atteint le même taux de surpopulation qu'avant. Et donc, à nouveau, on voit tout ça, et la Belgique. Donc, si on adopte un point de vue plus juridique, si c'est ça qui nous touche, ben, on voit la Belgique est condamnée pour sa surpopulation carcérale. Dans cette condamnation, il est mis à une ligne. La Belgique doit faire quelque chose pour améliorer ses conditions. La ligne suivante, il est mis. Néanmoins, la construction de nouvelles prisons n'est pas une solution durable à la problématique de la surpopulation. Et à nouveau, que fait la Belgique en lisant ça? Elle décide de construire une nouvelle prison. Mais c'est comme la construction de routes, en fait. Le plus qu'on construit de routes, le plus qu'il y a des voitures qui roulent dessus. Et le plus qu'il y a d'embouteillages, effectivement. Mmh. Mais une question peut-être un peu plus centrale ou radicale pour moi. Donc, il y a plein d'argumentations schématiques, comme tu peux dire, ou autres. Mais il y a quand même la question centrale de comment, en tant que société, est-ce qu'on gère des comportements qui sont perçus comme antisociales ou qui sont violentes ou qui touchent aux personnes Tu commences? Alors, ouais, c'est une très belle question. Ça nous anime beaucoup dans le collectif. Ça nous oblige en fait à repenser une autre forme de justice qui ne soit pas forcément punitive, mais une justice réparatrice qui mettrait à égalité, ou du moins qui essaierait de ressouder en fait un lien de sociabilité, de communication entre la victime et la personne qui a commis ce tort, bien plus que de passer par une instance un peu impersonnelle qui s'appellerait la justice. Donc il y a vraiment, on est en train d'explorer, ça a déjà été fait par des universitaires, par des militants, et on est en train, nous, dans ce collectif, un peu de se réapproprier ces questions-là, de se voir quelles pourraient être les alternatives à ce système carcéral qui ne fonctionne pas. Donc, recréer du lien, alors, mon avis personnel, c'est que la prison, c'est un peu l'une des clés de voûte de notre système à la fois étatique et capitaliste. Et la faire sauter, ça permettrait de repenser, en fait, véritablement une autre vision, un autre monde, d'autres rapports humains, et bien, bien plus doux, bien moins violents que ceux qu'on connaît actuellement. Alors, à court terme, moi, j'ai pas encore la solution. Je suis toujours en train de chercher, et c'est ça qui est super chouette. Donc, c'est aussi une invitation à toutes les personnes qui se posent des questions à venir vers nous lors de ce festival ou à d'autres moments, parce que on a envie de débattre et de continuer à apprendre. Mais c'est clair que oui, cette justice telle qu'elle est actuellement, elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Et pour les victimes, et pour les détenus, et pour la société, en fait, en général. Effectivement, je pense que, en toute humilité, on va reconnaître qu'on n'a pas la solution clé sur porte à la sortie d'un système carcéral, mais tout comme, j'utilise souvent cette analogie, mais tout comme je prône une sortie du capitalisme, et j'ai pas non plus un système tout fait pour ce qui va se passer par la suite. Je pense que quand on veut changer radicalement de système, il faut aussi accepter une part d'inconnu. Et comme l'a dit Thomas, effectivement, j'entends bien que ça ne convainc pas tout le monde, mais je pense que il faut d'abord accepter le fait qu'on n'a plus envie de prison pour ensuite penser concrètement des alternatives. Après, des idées d'alternatives, et plutôt dans quelle direction elles doivent aller, ça, on a des idées, effectivement. Moi, je pense que les alternatives, elles doivent se centrer avant tout sur la question du lien social, et elles doivent se faire en amont, donc pas après que les gens aient commis des infractions. Et même, je dis infractions, mais on peut aussi se poser la question de ce qui est criminalisé aujourd'hui dans notre société, ça aussi c'est tout un débat, mais donc qu'avant la commission de l'infraction, il y a un travail à faire, qu'aujourd'hui on voit que notre société, elle n'est pas soudée, et pour nous, c'est intrinsèquement lié que le travail doit se faire là. Il doit se faire sur l'intégration des personnes précarisées, des personnes marginalisées, et que ça, déjà, ça va faire un gros tri des potentielles infractions qui vont être commises. Et puis après, et bon, là, voilà, c'est mon opinion personnelle. Je pense que si on doit répondre à la question de qu'est-ce qu'on va faire des cas qui restent, en fait, malgré tout, si dans une société idéale, on a travaillé sur l'inclusion, qu'il y a quand même des personnes déviantes, à nouveau, entre guillemets, des personnes qui vont mettre en danger d'autres personnes, que ce soit physiquement ou mentalement, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là? Je pense que une pensée abolitionniste, en tout cas, ma vision de l'abolitionnisme, peut prendre en considération, de manière ultime, une forme d'enfermement. Je pense que je peux imaginer que, pour certains cas bien spécifiques, alors là, on n'ait pas d'autre recours. Mais elle est là, la différence. Elle est que la prison deviendrait le dernier recours, et pas la première peine à laquelle on pense. Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, on enferme les gens préventivement en attendant un procès, mais c'est la dynamique inverse qui devrait arriver. C'est que l'enfermement ne soit là que quand on n'a pas d'autre recours, que quand toutes les autres formes de tentatives d'inclusion n'ont pas réussi. Et donc, effectivement, je pense que ça, c'est possible. Après, il y a des abolitionnistes radicaux qui vont considérer que devoir faire ça, c'est encore témoigner d'une forme d'échec de notre société. Il y a des pensées diverses. Moi, je pense que ça, c'est une pensée possible. Mais vraiment, repenser la prison comme la peine ultime et pas comme le centre de notre système pénitentiaire. Oui, alors on parle aussi de quelque chose qui m'est cher à cœur, c'est la stratégie. Donc y a plusieurs façons de se poser de penser l'abolition des prisons, et L'une des stratégies, ben, c'est un peu de se dire, ben, d'abord, première chose, empêcher la construction de nouvelles prisons. Et puis, alors, ce serait désincarcérer un maximum de détenus qui, on l'a déjà dit, qui n'ont pas leur place en prison par rapport au tort ou à ce qu'on pourrait leur reprocher. Et alors, la troisième étape, ce serait de peut-être repenser notre système pénal. Et ça, ce serait vraiment ces trois faces-là. Certains dans le collectif se disent non, ça c'est encore imaginer quelque chose comme la loi, avec un grand L majuscule, et donc qui défendrait encore un État ou une organisation, et de ça, on n'en veut pas. Donc on a un collectif, et je trouve que c'est pas du tout un défaut, c'est justement une très grande, quoi, une preuve de très grande richesse qui crée des débats et qui vit. Et c'est, voilà, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans quelque chose de très vertical. Justement, c'est aussi bien dans l'organisation de notre festival, de nos actions, que dans nos débats, il y a quelque chose de très joyeux et de très horizontal en réalité. Ouais. Si on parle de stratégie, on peut parler effectivement d'une stratégie vers une abolition de la prison, mais il y a aussi là où les stratégies de la lutte concrète à Haren. Mais je propose qu'on va d'abord écouter encore un petit morceau. Hein? Est-ce que tu veux qu'on mette ta chanson, Whitlow? Oui, ça, c'est cher à moi, je l'avoue. Allez, on y va alors. Prenez tout 8 ans d'Yves, chez nous on dit des chicons, bien braisés, caramélisés, roulez les dents du jambon, nappez-les de béchamel, saupoudrez de fromage râpé, gratinez au four réchauffé, 20 minutes de 100 degrés, mais n'oubliez pas la noix de muscade, de la sauce, le complément indispensable. Sans elle, le béchamel sera le fade. Chicon gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon chicon au gratin, ou chicon au gratin. Chicon au gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon chicon au gratin, ou chicon au gratin. Ah ah. Vous connaissez les moules frites. La tarte à jet, l'escabeche, la flamèche, le boudin puré compote, pêche au thon, croquette aux crevettes, et les boulets sauce lapin. Mais le meilleur plat belge certain, c'est les chicons au gratin. Mais n'oublie pas la noix de muscade, de la sauce, le complément indispensable. Oh non, n'oublie pas la noix de muscade. Chicon au gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon chicon au gratin, ou chicon au gratin. Chicon au gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon au gratin, chicon chicon au gratin. Chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon, chicon Oui, ben, juste un petit truc, tu vois, parce qu'il y a une autre recette, en fait, que j'aime beaucoup. C'est mes parents qui l'ont développée. C'est parce que mon père, il ne mange pas de cochon et ma mère, elle est allergique au lactose. Donc, ils enroulent les chicons dans le filet d'Anvers. Donc, c'est un... C'est du cheval en fait. Et on fait la sauce avec du fromage aux chèvres. Et tu ne mets pas forcément le muscat, mais tu mets le piment d'Espelette. C'est ça, d'Espelette Ouais, c'est, ça tue, franchement. Enfin bon, c'est juste parce que Rennes, c'est la capitale du chicon. Hein. Ouais, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Ouais. Plus de chicon, moins de prison. Tout à fait. Du coup, juste avant la chanson, je disais que ça m'intéresse beaucoup de parler un peu de la stratégie aussi en place maintenant, parce qu'il n'y a pas que l'occupation ou les occupations ou les manifestations, le festival, etc. Il y a aussi d'autres démarches qui ont été faites, des démarches juridiques, des recours. Tout à fait. Peut-être qu'on... Soit on commence directement avec... Ce qui se passe maintenant, c'est en janvier, l'auditrice du Conseil d'État a dit que, pour elle, en tout cas, le recours qui a été introduit par le comité... Par un comité de lutte, par des personnes, parce qu'il faut avoir un intérêt à faire un recours, donc en l'occurrence, c'est introduit par des habitants, parce qu'ils ont un intérêt, selon la loi, hein, parce que je considère qu'on a tous un intérêt contre, mais ils ont un intérêt valable juridiquement pour faire un recours, donc c'est des habitants qui ont introduit ce recours devant le Conseil d'État. Donc c'est un recours contre... Le permis d'urbanisme et le permis d'environnement. Oui, et du coup... On a senti la direction que ça pourrait prendre et directement on a commencé les travaux, très vite. Alors, l'avis serait favorable aux opposants de la Majesté Prison, donc l'annulation de ces permis d'urbanisme et d'environnement, mais c'est qu'un avis et il n'est pas contraignant. Tout à fait. Donc pour reprendre un petit peu les bases de cette lutte juridique, effectivement, comme tu le disais, on a plusieurs types de stratégie pour lutter ici. Et donc, je vais commencer par la stratégie juridique, mais on en a d'autres, effectivement. Et donc ça, depuis longtemps, hein, depuis qu'on sait qu'il y a ce projet, et les habitants qui étaient en première ligne par rapport à ça, on a tenté de faire barrière grâce aux moyens juridiques qui existent. Et donc, il faut savoir que pour construire cette prison, le consortium a eu besoin d'un permis d'urbanisme et d'un permis d'environnement, comme toute personne qui doit construire quelque chose. Et ces permis sont attaquables devant le Conseil d'État, qui est donc une instance juridique. Et il y a eu des tentatives. Donc, tous les recours possibles et imaginables ont été tentés par les militants à la base. Ouais. Par exemple, ça, je trouve ça génial, quoi. Ça montre le génie et l'inventivité de cette lutte. C'est il y a un chemin vicinal, un vieux chemin, le chemin du Québec, qui passait au milieu du site de ce projet. Et à coup de recours, ils ont dû inclure, quoi, ils ont dû dévier ce terrain. Mais ça a ralenti les travaux de plusieurs mois, voire peut-être même d'une année. Donc, les différents recours, et puis le fait qu'ils ont dû modifier les permis et tout ça, on pourrait dire simplement gagner du temps, mais c'est pas uniquement gagner du temps. On est face à un consortium privé qui veut gagner de l'argent. À un moment, l'une des stratégies, c'est de se dire retardons au maximum ce projet, et ça va faire en sorte que ils ne vont plus gagner assez d'argent, ils ne vont plus considérer que Arun est un investissement rentable, et ils vont arrêter. Donc c'est l'une de nos stratégies. Mm-hmm. Malheureusement, donc effectivement, là, Thomas racontait des petites victoires juridiques qui ont eu lieu dans l'histoire de la lutte. Malheureusement, un truc qu'on trouve regrettable, c'est que donc il y a eu un recours en extrême urgence qui a été introduit, donc en suspension d'extrême urgence, recours qui, s'il avait abouti, aurait permis de suspendre l'évolution des travaux, en attendant que le juge aille plus loin dans sa réflexion et qu'il voit si effectivement, oui ou non, ce permis aurait dû être octroyé. Et ce recours de suspension en extrême urgence n'a pas été accepté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a toujours la possibilité de faire un recours par la voie régulière, normale, mais que Cafasson n'est pas interdit de continuer les travaux pendant la procédure juridique qui, on le sait tous, prend toujours énormément de temps. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui était le cas. C'est en 2018-2019, on était dans cette situation où il y a un recours qui est pendant devant le Conseil d'État contre ces permis. Mais ça n'empêche pas Cafasso de continuer les travaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tu as évoqué. En janvier, la première auditrice du Conseil d'État a rendu un avis qui n'est donc pas contraignant, qui est un premier avis qui précède le jugement. Et dans cet avis, elle exprimait une opinion favorable à l'annulation des permis octroyés à Cafasso. Donc, avis qui est très positif pour les militants et militantes. Qu'est-ce qu'a fait Cafasso en entendant cette nouvelle? Cafasso, qui avait annoncé que le début des travaux sera pour le printemps 2019, Cafasso, fin janvier, de but en blanc, annonce qu'ils avancent les travaux immédiatement. Qu'est-ce qu'on y voit, nous? On y voit une volonté délibérée de passer en force, sachant que le jugement du Conseil d'État contre les permis, enfin, par rapport aux permis allait être rendu fin mars, ça va tomber tout bientôt. Sachant ça, Cafasso avance dans les travaux pour appliquer la politique des faits accomplis, qui a déjà porté ses fruits par le passé. C'est-à-dire que quand bien même le Conseil d'État dirait aujourd'hui, en fait, les permis, effectivement, ils étaient illégaux, donc on devrait les annuler. Néanmoins, vu l'avancée des travaux, ben, on va quand même laisser passer, ou alors on va les annuler, mais que ça n'aura pas vraiment d'effet et on va permettre le réoctroi de nouveaux permis. Donc vraiment, cette politique des faits accomplis, c'est quelque chose qu'on condamne complètement. Et c'est permis, malheureusement, par le fait que la justice non plus n'a pas, à un moment donné, décidé que cette affaire était urgente et qu'il y avait des intérêts qui nécessitaient qu'on suspende l'évolution des travaux. L'une autre stratégie qu'on a mis en place, ben, c'est aussi des interpellations au niveau communal. La ville de Bruxelles, puisque c'est sur son territoire, on a essayé de leur montrer le caractère scandaleux de ce projet, le fait que ça va coûter de l'argent à la ville de Bruxelles. Malheureusement, de nouveau, ici, là, il y a ces petits jeux politiques entre les partis présents dans la majorité communale, les partis qui sont aussi au niveau de la région, qui soutient, il faut bien le dire, ce projet, et alors les ministres fédéraux qui ont lancé ces masterplans et qui ont aussi initié ce projet. Donc, voilà, on essaye, il y a différents moyens de mener cette lutte, il y a vraiment différents sentiers qu'on arpente. Le juridique en est un, il n'est pas terminé. On a un autre. Voilà. Ouais, et le juridique, il n'est pas terminé, puisque la décision, comme Lucie le disait, ben ça tombera début du procès, 26 mars, donc juste après le festival. Un autre type de stratégie qu'on met en place, c'est, à part, bien sûr, je ne vais pas revenir dessus, mais tout ce qui est sensibilisation du grand public, c'est ce qu'on fait aussi avec le festival où tout le monde est le bienvenu, donc porter une voix anticarcérale radicale dans l'espace public. Ce qu'on fait aussi, c'est des actions plus radicales, donc actions de désobéissance civile, pour maintenir la pression sur tous les acteurs en présence, en fait, que ce soit Cafasso, que ce soit l'État belge, que ce soit la Régie des bâtiments, qui est donc cette instance de l'État qui s'occupe des constructions des établissements publics et qui a aussi une grosse responsabilité dans cette histoire. Il y a différents acteurs comme ça qui sont impliqués et il y a des actions qui sont organisées par des militants et militantes plus alors des actions donc directes et non violentes de blocage, actions et symboliques et qui se veulent aussi efficaces. Donc le 11 février dernier, par exemple, il y a eu une grosse action de blocage du chantier qui s'est organisée. Il y avait une petite centaine de militants venus d'un peu partout qui se sont rassemblés là-bas pour bloquer l'accès au chantier aux employés. Le but étant de bloquer vraiment le chantier pendant un maximum de temps. Et ça a été aussi une belle réussite de voir qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se mobiliser pour ça, alors que on voit que la répression autour de Haren, elle peut faire peur et qu'elle est assez, en fait, disproportionnée par rapport à ce qui s'y passe et par rapport au type d'actions qui sont envisagées. Donc on parle quand même bien, on parle pas de sabotage, on parle vraiment d'actions non violentes, et la répression, elle est quand même assez efficace. La police qui s'est déployée ce jour-là, c'était assez impressionnant. Et à nouveau, on se demande quand même Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Quels sont les jeux de pouvoir? Pourquoi est-ce que la lutte à Aaron est plus réprimée que d'autres? Quels sont les intérêts? Voilà, c'est un peu toutes des questions qu'on peut laisser en suspens. Chacun peut se faire son idée là derrière. Oui, on peut laisser en suspens la question, mais il y a un procès qui est toujours en cours. Est-ce que vous pouvez nous re-raconter le problème et où est-ce qu'on en est? Le procès? Donc, si on se comprend bien. Donc, tu veux savoir quels sont les arguments avancés dans... Je me souviens, il y a des gens qui ont été accusés de, ah ouais, de détruire une maquette. Oui, alors malheureusement, moi, je ne connais pas très bien cette histoire-là. Okay. Donc ça, je ne peux pas en dire plus. Pareil. Ouais. Ok, on va revenir là-dessus dans une autre émission, il n'y a pas de problème. Effectivement, hein. On est un peu, moi je nous considère comme une autre génération de la lutte, et en l'occurrence, Thomas et moi qui sommes présents ici, sommes assez nouveaux, et donc on n'a pas la connaissance historique. Il n'y a vraiment pas de problème, vous êtes honnête, et c'est ce qui compte, voilà, ça c'est clair. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des choses? Maintenant, oui, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on vit, hein. c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est pas uniquement la lutte contre la maltraitance, il y a une répression de plus en plus de toute l'opposition face à l'État. Alors, moi, si j'ai bien compris, cette maquette, c'est simplement des militants qui sont arrivés à s'introduire dans la régie des bâtiments et dans le hall, ils ont détruit une maquette, et ils ont été condamnés, ouais. Ils sont menacés de montants mais monstrueux par rapport véritablement à la destruction d'une maquette qui a été réalisée par Je ne suis même pas sûr si on a vraiment prouvé le fait qu'ils ont détruit la maquette. Non, et alors il y a aussi ce côté où l'arsenal juridique qui permet à des militants qui étaient juste, quoi, qui n'ont pas détruit, si y a quelqu'un qui a détruit la maquette, c'est aussi tout le groupe qui a été jugé coupable de cet acte. Donc il y a aussi une pénalisation de groupe, c'est de nouveau, c'est essayer de faire peur, que les gens ne puissent plus se mobiliser par rapport à des choses qui les révoltent, qui les révulsent. Pour vous raconter une histoire que moi je connais mieux, d'exemples récents de répression par rapport à ça, il y a eu des militants et des militantes qui se sont baladés sur le terrain, donc sur ce chemin dont Thomas a parlé, qui a été dévié, mais donc qui reste un chemin public. Certes, il traverse le chantier, mais il est toujours censé être accessible. Et ces militants s'y sont baladés tôt le matin et ils ont été interceptés par une voiture de police qui leur a demandé ce qu'ils faisaient là, etc. Et la discussion s'est clôturée par les policiers et policières qui disaient à ces deux personnes, en fait, c'est un terrain sensible ici, donc la prochaine fois, vous ferez le tour, vous ne passerez pas par ici. Et les militants qui répondent, mais c'est quand même un chemin public, on a le droit de passer par ici. Et les policiers de répondre, oui, mais vous ne savez peut-être pas ce qui se passe ici, mais voilà, vu la tension qu'il y a autour de ce projet de prison, on a vos noms et on ne préfère pas vous revoir par ici. Donc voilà, un bête exemple de répression actuelle autour de ce projet. Serge, tu voulais dire quelque chose là? Non, je voulais... Ok, ben ça va. Alors, je propose qu'on revienne brièvement sur le festival, mm-hmm. pour clôturer. Hein. On passe d'abord une chanson, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. C'est comme tu veux. Un soldat sautrille sur la route, les deux poings liés. Soldat sautrille sur la route avec ses vieux souliers. Tout le long de la ville il y avait des veuves, en le voyant si triste se mettait à pleurer. Marche brave soldat marche, marche brave soldat marche, sur la route marche dont fait prisonnier. Ils l'ont mis dans une forteresse les deux poignets liés. Ils l'ont mis dans une forteresse accrochée par les pieds. Des hommes sont venus, des lames affilées, le sang sur sa peau nue commence à ruisseler. Parle brave soldat, parle brave soldat, parle, car tu es prisonnier. peux partir, ils vont me libérer. Mais si je veux taire, jamais ne reverrai ma femme ni ma mère et mes enfants te laissent. Pleure, brave soldat, pleure. Pleure, brave soldat, pleure. Il faut que tu pleures comme les prisonniers. Quand ils lui vont du ses camarades, on l'a laissé aller. Quand ils lui vont du ses camarades, on l'a laissé aller. Portant sa pauvre honte, son pauvre cœur blessé, son âle sur la route avec ses vieux souliers. Marche, brave soldat, marche. Marche, brave soldat, marche. Car ils t'ont libéré. T'es s'il n'y a pas de morceaux importants de contenu qu'il faut faire passer, je propose qu'on passe aux informations essentielles pour le festival. Ouais, donc je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de nos messages principaux, donc c'est très bien comme ça. Donc pour rappel, on organise un festival anticarcéral ce week-end, donc c'est de vendredi à dimanche, dès vendredi soir il y a des activités, vendredi et samedi soir il y a des concerts, tout le monde est bienvenu pour dormir sur la ZAD. Donc tout ça se passe à la ZAD de Haron, ça se situe chemin du Kelbeek à Haron bien évidemment. Il y a, donc si vous cherchez sur internet, vous trouverez des moyens de nous localiser plus précisément, je donnerai tout à la fin donc les moyens de nous contacter. Donc chemin du Kelbeek à Haron, vous pouvez venir en vélo, vous pouvez venir en train, il y a le 64, le bus qui s'arrête juste à côté de la ZAD, à l'arrêt Tuning, qui relie Port de Namur à Haron. Et donc, dès le vendredi soir, bienvenue pour ça. Le samedi, c'est le moment le plus important du week-end, il y a la marche contre la maxi-prison de Haron et son monde, qui démarre de la gare de Scarbeck et qui nous mènera à la ZAD de Haron, justement, donc arrivée prévue vers 1h, 1h30. Et puis la suite des festivités, c'est des ateliers de sensibilisation, de discussion, de débat autour de la question carcérale, suivi à nouveau donc, de festivités le soir. Et enfin, le dimanche, il y aura des capsules audio de témoignages de détenus, des balades engagées, et tout le week-end, des activités pour les enfants et des expositions, des ateliers divers. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer, enfants comme adultes, tout le monde est le bienvenu. Et j'aimerais ajouter que, donc, comme je l'ai déjà dit, la lutte contre la maxi-prison d'Haron, elle continue encore aujourd'hui. On a ce recours devant le Conseil d'État qui est pendant, qui est une partie de la lutte. Si vous voulez rester au courant, on a donc ce site internet Haron Lutte Paysanne. On a également une page Facebook pour les adeptes, ZAD de Haron, nos prisons, sur lesquelles il y a plein d'informations sur ce qui se passe. Et puis il y a aussi la lutte militante et de désobéissance qui continue. La prochaine date très importante, si vous voulez être tenu au courant, c'est une émission impossible qui va être organisée. Donc ces émissions de radio qui sont organisées dans des lieux dits impossibles, elle va tomber tout bientôt. Ce sera le lundi qui vient, donc le lundi 25 à 11h30 sur 105.4 la chaîne de radio. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et je vous invite également à relayer si ça vous intéresse. Ouais, ce sont les amis de Radio Panique. Tout à fait. Ouais, très bien, Junior. Un dernier mot, Thomas. Pas de prison, ni à Rennes, ni ailleurs. Il ne faut pas oublier que la prison, c'est une vengeance de l'État. Tout à fait. Voilà. Ben, c'était l'émission pour ce soir. La semaine prochaine, on aura des invités de la librairie anarchiste à Crata, si tout va bien. Et ben, j'espère vous voir au festival ce week-end, ou à la marche. Avec plaisir. Et sans oublier qu'il y a quand même aussi la foire du livre libertaire à Gand. Ouais. Maintenant, je suis l'adresse. C'est le squat Landhuis, mais je ne le connais pas par cœur, là, franchement. Mais en tout cas, si vous cherchez sur la foire de livres anarchistes ou libertaires à Gand, vous allez tomber dessus, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Ceci dit. Ouais, c'est... Elle vient pas l'adresse. Elle vient pas. Ok. Je cherchais, mais elle vient pas. Le truc reste bloqué. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on est à la fin de notre émission. Et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Moi, j'ai l'adresse. Attends. Ah. Ben, bonjour. Warmusenirweg. Ah, Warmusenirweg. Voilà, à Gand. Ah ouais. Ça va, pour moi, ça va. Allez, alors, à la semaine prochaine, en tout cas. Merci à vous. Hein, merci à vous deux. Merci pour l'invitation. Ciao. De Transjonal.